c'est ça, on se dit que c'est fini, que ça vaut pas le coup. On se dit qu'on s'aimait plus depuis un moment, qu'on se disait pas tout. Qu'on était deux à se sentir seul au sein de ce couple. Et qu'on aurait dû faire ça bien avant même que l'on ne se bouffe. On pleure, on se cache, on se confie à d'autres. On devient menteur, genre Elting manque pas d'autres cons. Lui de son côté fait semblant d'être libre. Et quand on se quitte, on prend tout ce qui tombe, tout c'est de vivre. On en fait trop même, on en rajoute des tonnes. On sort, on boit, on pèse et dans nos cimes, on y agite des fun. On reste vivant, on évite le sujet tabou. Mais une fois seul, on sent le cœur fléchir car il est tabou. On se réfugie dans d'autres bras ou d'autres cuisses. En pensant qu'on oublie l'autre, refusant que l'autre puisse le faire. Et on se rappelle, on se dit de la merde, on accroche. On voit notre remplaçant pris pour ne pas qu'il soit proche. Il manquait d'air. Alors on a essayé de retrouver notre amour. Mais le lendemain matin, ça n'avait plus aucun sens. Je me suis enfui. Et même si on parle ou on garde ce bagage encombrant, c'est rien si on compare au poids de la peine en la rencontrant. C'est rare qu'on se croise et quand c'est le cas ça coince. On se dit ça va, on se barre, on sent que dedans ça pince. Et même si on s'est oublié et qu'on s'est plié à la suite, qu'on a su faire avec ce sang que l'on repart ensuite. On se fond dans ce décor, on s'enfonce, on s'en sort. On s'étonne sur son sort, on s'en frêle, on s'en fort. On rêve de l'autre, on se réveille la nuit. Écoute le silence et comprend là où commence l'ennui. On fait les changements, on en regrette quelques-uns. On se dit étrangement qu'on est con, que l'autre est peut-être bien. Mais y'a ces souvenirs, ces photos à la peine. Des anecdotes oubliées que des détails te rappellent. Y'a ces moments-là, ces instants où tu parais vide. Et ces moments tu les vis depuis les secondes où tu l'as quitté. Je me suis enfui. Et chaque fois que je reviens vers toi,